Les chefs des groupes de vacanciers étrangers ont exprimé leurs impressions sur la vie passée à la colonie de vacances internationale de Sondowon de la Corée. Le chef tanzanien a estimé la colonie particulière et excellente depuis la forme architecturale jusqu'aux installations et a dit que c'est le meilleur centre d'éducation extrascolaire dans le monde. Le chef russe a dit qu'il a compris à la colonie pourquoi les élèves coréens aiment chanter le chant « Nous n'avons rien à envier dans le monde ». Le chef nigérien a déclaré que les élèves coréens qui considèrent son excellence M. Kim Jong-un comme leur père sont vraiment heureux.